بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف حفظه الله: الوصية الرابعة: لا تأخذ العلم إلا ممن عرف بالسنة. Le quatrième conseil: ne prends la science que de celui qui est connu pour être sunnite, pour être dans la sunna, pour être quelqu'un parmi les gens de la sunna. قال الإمام محمد بن سيرين قال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Donc l'imam Mohamed bin Sirin, qui est un tabi'i, ceux qui ont succédé au sahaba radiallahu anhum, il dit: certes cette science est une religion, voyez donc de qui vous prenez votre religion, regardez donc de qui vous prenez votre religion. Wa qala aydan lam yakunu yas'aluna 'an al-isnad falamma waqa'at al-fitna قالوا سموا لنا رجالكم. Il dit: ils ne questionnaient pas sur la chaîne de narrateur, mais lorsque la fitna est arrivée, c'est-à-dire lorsque les innovations ont commencé à apparaître, lorsque les problèmes ont commencé à apparaître, ils ont dit: nommez-nous vos hommes, nommez-nous vos hommes. C'est-à-dire que les hadiths n'étaient plus acceptés comme ça, mais plutôt dites de qui vous nous rapportez ces hadiths. فَيُنْظَرْ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُبْخَذُ حَدِيثُهُمْ. Et on regardait, et il était regardé dans cette chaîne de narrateurs, et si c'était des gens de la sunna, leur hadith était pris. وَيُنْظَرْ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدَعْ لَا يُبْخَذُ حَدِيثُهُمْ. Et on regardait, si ça provenait des gens de l'innovation, leur hadith n'était pas pris. رواهما مسلم في مقدمة صحيحه. L'imam Muslim rahimahullah a rapporté ces deux paroles de l'imam Mohammed ibn Sirin, qui est un élève des sahaba directement radiallahu anhu. Donc l'a rapporté dans l'introduction de son sahih, de son authentique. ولما فرط بعض التائبين في معرفة هذه الأصول والضوابط، lorsque certains qui se sont repentis ont négligé ces fondements et ces règles، أصبحوا عرضة للشبهات. Donc ils étaient prédisposés aux ambiguïtés une fois qu'ils ont négligé ces règles. وَمَحَلًّا لِلتَّلَاعُبِ كَثِيرٍ مِمَّنْ يَنْتَسِبُونَ إِلَى الْعِلْمُ وَالسَّلَفِيَّةِ. Ils sont tombés dans le jeu de beaucoup de ceux qui se prétendent avoir de la science et être salafis. فَمَا أَنْ يَأْتِي شَخْصٌ يَدَّعِ الْعِلْمَ أو يظهر صلته بكبار أهل العلم من أهل السنة. Donc il n'y a pas une personne qui vient en se prétendant avoir de la science, ou alors qu'il montre son lien avec les grands savants parmi les gens de la sunna. إلا وتجد الشباب التائب قد التفوا حوله من غير تمحيص لحقيقته ولا تدقيق في سيرته. Dès qu'il dit ça, tu vois beaucoup de jeunes, tu vois les jeunes qui viennent de se repentir se mettre autour de lui sans vérifier la véracité de ses dires et ni vérifier qui il est. فإذا رأى أن أتباعه قد كثروا عليه ومحبيه قد شغفوا به. Lorsqu'il voit que ses suiveurs, ses disciples commencent à être nombreux et ceux qui l'aiment commencent à être attachés à lui, أخذ يظهر ما كان يضمره ويصبو إليه. À ce moment-là, il se met à faire apparaître ce qu'il cachait et ce qu'il voulait vraiment. فَتَرَاهُ يُنَادِي بِإِمَارَةِ الدَّعْوِيَةِ. Tu le vois appeler à être qu'il lui faut qu'il y ait un émir pour da'wa. Mais en l'unité du professeur, c'est lui qui sera l'émir. أَوْ بِنَصْبِ خَيْمَةِ التَّجْمِعِيَةِ. Ou alors, il faut qu'il y ait, là il donne l'exemple d'une tente, un endroit pour les rassembler, pour pouvoir faire un petit groupe. أو غير ذلك مما هو مخالف لأصول أهل السنة والجماعة. Ou autre chose parmi ce qui est contradictoire avec les fondements de la Sunna wal Jama'a. Et combien sont tombés dans ce piège-là? Et combien sont tombés dans ce piège-là? Parce que les gens en face savent que s'il vient et vous dit moi je suis un frère musulman, que vous allez lui dire non, on ne prend pas de toi. S'il vient et dit moi je suis un tabliri, je sais que vous allez lui dire non, on ne prend pas de toi. S'il vient et dit au fait je suis un takfiri, je ne prendrai pas de lui. Je suis un fontvi, je suis un sorori. Il va regarder autour de lui, il va voir l'état de vos des frères, il va venir avec l'image qu'eux ils aiment. Et il va tout faire pour se camoufler et se cacher. Jusqu'au jour où il sait qu'il a l'emprise. Où il a l'emprise, et là il peut dévoiler ce qu'il veut. Là ça y est, un bon paquet sont déjà attachés à lui. Et ils auront du mal à le quitter. Parce qu'il y a, il y a eu l'attachement. وحينئذ يبدأ اضطراب التائبين وانقسامهم إلى قسمين أو ثلاثة. Et à ce moment-là, et ce jour-là, le problème naît. C'est dit chez ces gens qui viennent de se repentir. Et ils commencent à se diviser en deux groupes ou trois groupes. بين مؤيد ومعارض ومحايد. Entre ceux qui vont le défendre, ceux qui vont le contrer et ceux qui vont être au milieu, ceux qui vont être neutres. Vous avez toujours ces trois genres de personnes. Ceux qui vont s'attacher à la personne, ils vont le défendre. Ceux qui vont être contre lui et le réfuter. Et ceux qui vont être neutres. Au début, les frères, ils étaient un seul, comme une seule personne. Là, on se retrouve avec trois personnes. وَإِنَّمَا حَصَلَ هَذَا الْإِضْطِرَابِ لِأَمْرَيْنِ اثْنَيْنِ. Ce problème-là n'est venu qu'à cause de deux raisons. الأول, la première, عَدَمُ إِقْبَالِ التَّائِبِينَ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَا سِيَّمَا عِلْمِ وَصُولَ لِلسُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ. Hein, le manquement de ces personnes qui viennent de s'en sortir à aller à l'apprentissage de la science bénéfique, surtout la science des fondements des Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah. وذلك أن العلم عصمة لصاحبه من الزلل. Car la science, c'est ce qui préserve et protège la personne de l'égarement et de l'erreur. ألم ترى كيف عصم العلم. Il va vous ramener un récit. Il va vous ramener un récit concernant ça. ألم ترى كيف عصم العلم أبا بكر. يا أبو بكر. يا أبو بكر. هيك أنت مربوطة. أبو بكر. كان أخ صحابي. رضي الله عنهم أجمعين. ألم ترى كيف عصم العلم أبا بكر رضي الله عنه. في أيام الجمل حينما قدموا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. N'as-tu pas vu comment la science a protégé Abu Bakr رضي الله عنه le jour du chameau. C'est là il fait allusion à la bataille du chameau qu'il y a eu entre Ali et Aïcha رضي الله عنها. À l'époque du califat de Ali. Lorsque le parti de Aïcha ont mis en tête Aïcha radiallahu anha. Ils ont mis en tête qui? C'est qui était à la tête? C'était Aïcha radiallahu anha. فعصم أبا بكر حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est quoi qui a sauvegardé, préservé Abu Bakr? C'est un hadith qu'il s'est rappelé du prophète صلى الله عليه وسلم. حيث قال عليه الصلاة والسلام, de sorte que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, لما جاءه خبر موت كسرى وتعيين ابنته, lorsqu'on lui a annoncé la mort de كسرى. Kisra, en français, je crois que c'est Khosrowès. Hein? Khosrowès, voilà. C'était l'empereur de Perse. La Perse, c'est l'Iran aujourd'hui. Toute cette région, c'est appelée la Perse. Le gouverneur de cette région-là, c'est on l'appelle en arabe Kisra. Lorsqu'on a annoncé au messager d'Allah Salam que Kisra est mort, et que c'est sa fille qui a pris le pouvoir après lui. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. Ne réussira pas un peuple qui ont donné le pouvoir à une femme. Mohamed Razali a dit, si on avait dit, je sais plus de la phrase comment il avait dit, c'est à l'époque de, vous vous rappelez de Margaret Thatcher, la dame de fer, c'est la première ministre anglaise. Ah oui, à l'époque c'était elle le premier ministre, Margaret Thatcher, on l'appelait la dame de fer, hein, la dame de fer. Et lui, c'est à peine qu'il ne faisait pas les éloges de cette femme là dans nos pays, il aurait voulu qu'on ait des gens comme elle qui pour tenir nos pays. Mais comment se fait-il qu'une femme n'est pas capable de prendre le pouvoir alors qu'elle a réussi? C'est des gens qui vivent avec la raison, avec le raisonnement. Un se soumettre au texte, ils ont dit qu'il y a de la difficulté. فلما وقعت الفتنة, et lorsque la fitna est arrivée entre Ali et Aïcha radiallahu anha, تذكر أبو بكر هذا الحديث. À ce moment-là, Abu Bakr s'est rappelé du hadith. فعصمه من ذلك. Et il a été protégé de cette fitna. حَيْثُ قَالْ, de sorte qu'il a dit, رضي الله عنه, عَصَمَنِ اللَّهُ, c'est lui qui l'a dit, sa parole a dit, عَصَمَنِ اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا هَلَكَ كِسْرًا. Allah m'a protégé, m'a préservé par une chose que j'ai entendu le message d'Allah صلى الله عليه وسلم lorsque Kisra est mort. قال من استخلفوا, message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit qui ils ont mis à sa place. قالوا ابنته, il lui a été dit sa fille, c'est sa fille qui a été mise à sa place, qui a pris le pouvoir à sa place. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. Et là le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, ne réussira pas un peuple qui a donné le pouvoir ou le dessus à une femme. قال فلما قدمت عائشة يعني البصرة ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمني الله به. Il dit, et lorsque Aïcha est venue à Basra en Irak, je me suis rappelé du hadith du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et Allah m'a préservé avec ceci, rapporté par Al-Bukhari, Al-Nasa'i ou Al-Tirmidhi. Et ça c'est les propos de qui sont rapportés dans Al-Tirmidhi. Il a dit وهذا لفظه. الثاني, le deuxième, عدم, les deux raisons, la première on l'a vu, la deuxième raison, عدم الرجوع إلى أهل العلم, le manque de retour aux savants. إذ كان الأولى سؤال أهل العلم وطلابه من أهل السنة والجماعة. Car en premier lieu, ce qui était à faire, c'était de demander, questionner les gens de science et les étudiants en science parmi les gens de la sunna et du groupe. Mais il y a les sunnati wa jama'a mimman lahu ma'rifatun bihada rajul, parmi ceux qui ont une connaissance de cet homme, alladhi yuradu l'istifadatu minhu fayus'al anhu, dont on voudrait apprendre et bénéficier de lui. Donc on questionne sur cette personne. هل هو من طلبة العلم السلفيين أم لا؟ Est-ce qu'il fait partie des étudiants en sciences salafi ou non؟ وهل درس دراسة علمية صحيحة بحيث يستحق أن يطلب العلم على يديه أم لا؟ Est-ce qu'il a étudié une étude de science authentique de sorte qu'il est possible d'apprendre la science chez lui ou pas؟ فإذا كانت الإجابة بالرفض، si la réponse est négative، فقد انتهى الأمر ولله الحمد. La question se termine là، إلى الوجه أبحث الله. وإذا كانت بالإيجاب، si elle est positive، la réponse، فإنه يستفاد منه. Là on pourra bénéficier de cette personne، prendre de cette personne. لكن من غير غلو فيه mais sans exagération et sans excès en lui. Ça c'est un grave danger. Ça c'est chez les Hizbi, chez les gens de l'égarement et de l'innovation qui eux ont ce côté de sacraliser les hommes, ce côté d'avoir un excès et du fanatisme pour les hommes. Ahle Sunna ils n'ont pas ça pour les hommes, ils n'ont pas, ils l'ont pour Qala Allah, pour Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et rien ne passe aussi de Qala Allah et Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez vu la place qu'ont Abu Bakr et Omar dans nos cœurs? Personne après le prophète sallam a une place comme celle qu'ont Abu Bakr et Omar. Mais lorsque Ibn Abbas radiallahu anhuma, on l'a questionné sur une question et il a répondu par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a été dit mais on a demandé à Abu Bakr et Omar, ils n'ont pas dit ça. Il a dit comment ça? Malheur à vous, je vous dis qu'Allah Rasulullah, vous dites qu'Allah Abu Bakr et Omar, je crains pour vous que des pierres vous tombent du ciel. Tellement ça donne. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ces gens-là? Qu'Allah Abu Bakr, qu'Allah Omar. C'est les meilleurs après le prophète sallam. Mais je n'ai pas permis de ramener leurs paroles lorsqu'on vous a ramené la parole du prophète sallam pour contrer la parole du prophète sallam. C'est une éducation. Que dire de tous ceux qui viennent après Abu Bakr et Omar radiallahu anhumain? Vous avez des gens, ils ont de la facilité à accepter qu'un tel a fait une erreur ou un tel a fait une erreur. Mais si tu dis Hassan Benna fait une erreur, ça y est. Là, c'est la fin du monde. C'est trop tôt de la fin d'erreur, c'est la fin du monde. Mohamed Ilyas, c'est la fin d'erreur, c'est la fin du monde. Et ainsi de suite. Ça, c'est très très grave, ça. Ça, c'est pas ça qu'il est demandé. Et ils te disent quoi? Tu manques de respect au savant. Excuse-moi, il faut que je dise que ce savant c'est un prophète pour que vous reconnaissiez que je ne lui manque pas de respect? Il faut que je lui donne les spécificités du prophète pour comme ça vous dites, bon là c'est bien, tu respectes le savant? Mais on va où là comme ça? On va où comme ça? C'est très très grave ça. Naam. بل ينزل منزلته مرتبته، mais il lui est donné, c'est pas sa place et son degré. On ne va pas les dessus. Ton amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doit pas te pousser à le diviniser et à l'adorer en dehors d'Allah et à l'invoquer en dehors d'Allah. Ça c'est interdit, c'est le shirk que tu fais. Même si tu le fais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne dis pas dans ton sein avec le prophète, c'est pas de problème. Tu peux le mettre l'égal d'Allah. Ça ne va pas. Prophète avait dit la tatrouni, comme a dit Nassara al-Masih ibn Maryam, fa innama ana abdun faqulu abdullah wa rasulih. Ne m'élevez pas, n'exagérez pas dans les éloges ou dans les bonnes paroles que vous dites sur moi, n'ayez pas d'excès et d'exagération comme l'ont fait les chrétiens avec le Messie fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur, dites le serviteur d'Allah et son messager. C'est très très grave. Les chrétiens, le fait qu'on leur dise vous n'avez pas le droit de dire ce que vous avez dit sur le Messie, ça, c'est ça que ça appelle de l'excès. Ils ont tellement eu d'excès dans la religion qu'ils en sont arrivés à diviniser le Messie alayhi salatu wa salam. Les chiites avec Ali, et ils disent que nous on manque de respect à Ali. Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas ce qu'ils disent sur Ali. Et eux ils ont élevé Ali à un degré au-dessus de ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné. Mais nous, c'est nous qui respectons réellement Isa alayhi salam. Et c'est nous qui respectons réellement Ali radiallahu ta'ala. Et ils disent qu'on manque de respect à la famille du prophète. Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas sur la famille ce qu'eux ils disent. Alors que tous eux, leurs parents ne sont que des égarements et des éloignements de la droiture. وهذه نقطة مهمة. Et ceci est un point essentiel. وهي التمييز بين أهل العلم الربانيين أهل المرجعية العلمية والنوازل. Ah, et ça c'est un point essentiel qui est la distinction entre les gens de science confirmés qui sont la référence dans le domaine de la science et dans le domaine des problèmes qui viennent à arriver, qu'al imamain Muhammad Nasiruddin al-Albani wa Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahum Allah, comme les deux imams Muhammad Nasiruddin al-Albani et Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahum Allah, wa man baqiya minhum min al-ulama al-rabbaniyin, et ceux qui sont restés vivants parmi les grands savants qu'al-Mashayikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, lui il est mort après l'écriture de ce livre رحمه الله تعالى والصالح ابن فوزان الفوزان وربيع ابن هادي المدخلي وشيخنا مقبل ابن هادي الوادعي اجويسي الى ما ابخل كسنة الغلاء عليه رحمة الله شيخ الالباني c'est le grand savant qui était en Jordanie et qui a grandi en Syrie عليه رحمة الله شيخ عبد العزيز ابن باز était le mufti du royaume d'Arabie Saoudite et qui est mort aussi alayhi rahmatullah. Et Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il vivait à Al-Qasim en Arabie Saoudite, il était parmi les grands savants et il est mort aussi alayhi rahmatullah. Et Cheikh Salih al-Fawzan fait partie aussi des grands savants de Riyad en Arabie Saoudite. Et Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali fait partie des grands savants et il est à la Mecque. Et Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, c'est aussi un grand savant qui était au Yémen et qui est mort à la Mecque l'été dernier, au mois de juillet, parce que c'était en pleine Daura de Honnay. On l'a appris, c'était je crois même un samedi, et un frère avait pris le micro pour le dire aux frères. C'était pendant le mois de juillet. Alayhi rahmatullah. Wa ghayrihim mimman fi martabatihim min ahli al-ilm wal-fatwa. Et bien d'autres, parmi ceux qui sont au même degré que dans la science, parmi les gens de la science et de la fatwa. Fatwa, c'est de répondre aux questions. Il y a les sunnati wal jama'a, parmi les gens de la sunna et du groupe. Fahaula lahum martabatuhum wa manzilatuhum. Si ulama, qu'on vient de citer leur nom, eux, ils ont leur place et ils ont leur degré. Wa bayna talabat al-ilm al-mubarrazin. Mubarrazin. Et entre les tulab al-ilm, les étudiants en science confirmés. Ceux qu'ils ont une bonne part de science et qui ne sont pas encore arrivés au degré des grands savants. C'est pour ça qu'il a dit la distinction qu'il faut qu'il y ait, ses frères, entre les grands savants et entre les étudiants confirmés. Il a donné certains noms comme exemple et bien d'autres parmi ceux qui sont au même degré que ces grands savants. Et entre la distinction entre quoi? Entre les grands savants et les étudiants en science confirmés. Alladina unifa ilmuhum, ceux qui sont connus pour leur science. Wabanat sunniyatuhum, et dont leur appartenance à la sunna est connue, est apparente. Antariq ikutubihim, a été connue par le biais de leurs livres. Wataskiyati ahli al-ilm al-rabbaniyin lahum, et aussi par les éloges ou par les paroles des ulama les concernant, les grands ulama. Fahaula lahum martabatuhum wa manzilatuhum, ceux-là ils ont leur place et leur degré. Et c'est pour ça que c'est une erreur de voir certains frères mélanger. Si qui dit ulama, il cite les grands ulama avec des tulab al-ilm, ils mélangent. Non, voilà les grands ulama et les deux ce sont les tulab al-ilm al-mubarrizin. Ça c'est un point essentiel. Comme ça vous faites la différence, la distinction. Vous n'allez pas frapper la parole d'un grand alim par la parole d'un talib ilm. Et ça, combien tombent dans ce genre de piège? Et puis on trouve des frères qu'ils ont l'habitude d'avoir des liaisons téléphoniques avec des tolab l'ilm, alors que normalement, en premier lieu, ils doivent appeler les grands ulama. C'est eux qui sont en priorité. Si tu n'as pas pu, là tu vas demander au tolab l'ilm. Surtout dans les questions de Shoah. Abqadir Shoah, là, qui est l'ombre, c'est exactement l'ombre de Anan Arro. Même dans les gestes, il imite Anan Arro. Après, il fait un dos, le geste de la main, c'est comme Anan Arro. Pareil, c'est son ombre. Et quand Anan Arro doit quitter. Ils sont encore sur le chemin, pour plus tard, Inch'Allah, les gars dans la vie, pour qu'ils atteignent le degré de ulama. Mais qui va à l'ahli l'ilm, pas pour l'instant. Pour l'instant, il y a des qui va à l'ahli l'ilm, c'est vers eux qu'il faut aller, c'est eux qu'il faut questionner, surtout pour ce genre de questions, qui sont difficiles, et pas apprendre à la légère. Wa bayna manhum, man huwa dunahum min talabat l'ilm, allazina urifat salafiyyatuhum wa qudratuhum ala ta'lim. Et bien sûr, on a vu les grands ulama, on a vu talabat l'ilm et mubarrizin. Et après, il y a, et entre aussi, ceux qui sont en dessous de ceux-là, la deuxième catégorie, qui sont les talabat al-ilm, les étudiants en religion, qui sont connus pour leur salafiyya, et qui sont connus aussi pour leur capacité à l'apprentissage. Al-wasiyyat al-khamisa, le cinquième conseil, darurat al-rujua, ila kibari ahli al-ilmi fi muhimmat al-masa'il. La nécessité de retour vers les grands savants dans les grandes questions, concernant les grandes questions. فأهل العلم الربانيون هم الذين يرجع إليهم في مهمات المسائل. Les grands savants, ce sont eux vers qui on doit retourner pour les grandes questions. La fiyama التي تترتب عليها مصلحة الأمة الإسلامية. Surtout les questions qui touchent le bien de toute la Umma musulmane, qui touchent la communauté musulmane. وأنت إذا نظرت إلى حال الأولين من السلف الصالح وجدتهم. Et toi, lorsque tu regardes dans sur l'état des premiers parmi les pieux prédécesseurs, tu les trouveras. حريصين على الرجوع إلى كبار أهل العلم. Qu'ils se forcent à retourner. Et toi, lorsque tu regardes sur l'état du premier parmi les plus prédécesseurs, tu trouveras. حريصين على الرجوع إلى كبار أهل العلم. Qu'ils se forcent à retourner vers les grands savants. الذين تعرفهم في صدور الرسول لا سيما في الأحكام التي يترتب عليها التبجيع والتكفير surtout sur les questions concernant de rendre quelqu'un moustadir ou de rendre quelqu'un kafir. ومن كتنوت ولا يعني هذا أن طالب العلم لا يحكم على مسائل إطلاقا وإنما المراد أن لا يحكم على مسائل نازلة ابتداء لا سيما المشتبه بها منها أما المسائل الواضحة غير المشتبهة فإنه لا يلزم فيها الرجوع إليه. Ceci ne veut pas dire que l'étudiant en science ne peut pas juger sur une question complètement. Mais ce qui est voulu, c'est qu'il ne juge pas sur les questions de ce qui vient d'arriver tout au début. Surtout là où il y a, là où ce n'est pas encore clair. C'est une question de choses qui ne sont pas encore claires. Mais, sur concernant les questions qui sont claires et qui ne sont pas, floues, on peut dire, dans ce genre de questions qui sont claires, qui ne sont pas floues, il n'est pas obligatoire de retourner au grand savant, même un étudiant pourrait répondre à ce genre de questions. فَهَذَا يَحْيَا ابن يعمر البصري وحميد ابن عبد الرحمن الحميدي البصري الجنون دو كرسن لما ظهرت القدرية في عصرهما lorsque la secte de القدرية ceux qui vont s'égarer dans le domaine du destin sont apparus و وصارت لهم مخالفات لأصول أهل السنة والجماعة. Et nous commençons à avoir des contradictions, des choses contradictoires avec le fondement des gens de la Sunna et du groupe, Tartabit et Tfirahoum, qui demanderaient à les sortir de l'islam, à les rendre mécréants, Tawtabdi'ahoum, ou de les rendre innovateurs, ou Ikhrajahoum, Anda'ilat al-Sunna al-Jama'a, et de les faire sortir. Du cercle de l'Ahl al-Sunna wa al-Jama'a, même les saillards ne sont pas malins. Ils ne se sont pas précipités dans le jugement sur ces gens-là. Ben, zahaba, il a man lahum al-marji'iyya al-ilmiyya, min ahl al-ilmi wa al-fatwa. Mais ils sont retournés vers ceux qui sont une référence dans la science parmi les gens de science et de fatwa, wa huwa Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab. Et depuis, c'est Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhumah. فَأَخْبَرَاهُ بِمَا حَصَلَ عِنْدَهُمْ. Et ils lui ont raconté ce qui s'est passé chez eux. فَأَفْتَاهُمَا بِظَلَالِ الْقَدَرِيَّةِ وَالْحَرَافِيَةِ. Et il leur a donné la fatwa, il leur a répondu comme quoi de l'égarement de l'Qadariyah et de leur déviation. قال يحيى ابن يعمر. Voilà, là il y a le récit. قال يحيى بن معمر يحيى بن معمر أبي كان أول من قال في القدر معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. Je suis parti moi et Humayd. Voilà, ce sont les deux noms qu'on a dit tout à l'heure. On est parti soit en tant que pèlerin ou en tant que mu'tamir. Pour faire l'Umra, soit pour faire le Hajj ou pour faire l'Umra. Faqulna, et nous avons dit, لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه. Si nous rencontrions un parmi les compagnons du message d'Allah صلى الله عليه وسلم, pour le questionner, عما يقول هؤلاء في القدر. Sur ce que disent ces gens-là dans le domaine du destin. فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرْ إِلُّ خَطَّابْ دَاخِلًا الْمَسْجِدِ. Et on est tombé sur عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرْ qui est en train de la mosquée. فَاسْتَلَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي أَحَدُنَا عَنْ يَمِنِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ. Nous sommes approchés de nous, un signé à sa droite et l'autre signé à sa gauche. فظننت أن صاحبي سيسأل الكلام إلي فقلت. J'ai pensé que mon ami allait me laisser la parole, donc c'est moi qui commence à parler. فقلت أبا عبد الرحمن. J'ai dit au père de عبد الرحمن, c'est le nom d'Abdullah ibn Omar, رضي الله عنهما. إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من سهلهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر ألوف. Donc il dit, il est apparu chez nous des hommes, des gens qui lisent le Coran et qui apprennent la science. Et ils nous ont fait autre chose pour ces gens-là, mais qui prétendent qu'il n'y a pas de destin. Il n'y a pas de destin. قال فإذا رسيب الرمق قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. الذي lorsque tu rencontreras ces gens-là, annonce-leur que je suis innocent d'eux et que eux sont innocents de moi. Je n'ai rien à voir avec eux, ils n'ont rien à voir avec moi. Ils ne font pas partie de moi et eux ne font pas partie. Et moi je ne fais pas partie d'eux. أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. Il a dit, et par celui, après avoir dit, annoncez-leur que je suis innocent d'eux et que eux sont innocents de moi, et par celui que jure Abdullah ibn Omar, c'est par Allah, par celui que jure Abdullah ibn Omar, si l'un d'entre eux venait à donner en aumône l'équivalent de la montagne de Uhud en or, Allah ne l'acceptera point de lui tant qu'il ne croit pas au destin. Soumakal, Haddathani Abi, il a acheté. Il a dit, mon père m'a rapporté, il a ramené le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam muslim. Cette histoire, elle est dans par un muslim. Donc là, on voit bien ces deux hommes. Ils ont vu les guerres, et ils ont vu que c'est en contradiction avec les fondements de la connaissance, les fondements de la demain. Voilà encore une chose. Ils ont été préservés. Pourquoi? Ils savaient que c'était en contradiction, c'est qu'ils ont appris les fondements de la demain. Mais ils n'ont pas, ils n'ont pas précipité. Ils ont dit, on va au Hajj al-Amra, et dès qu'on voit un des compagnons du prophète, on lui raconte ce qui s'est passé. Et voilà ce qu'il leur a dit à Abdullah ibn Omar. Radiallahu anhuma. وهذا زبيد بن الحارث اليامي لما ظهرت المرجئة في عصره إيسا ولا زبيد بن الحارث اليامي لوك لا سكت دي مرجئة ce qui dit que la foi c'est seulement une croyance et conviction, les gens ne croient pas dans la foi, hein? Et pour eux la foi n'augmente pas et elle diminue pas, la foi c'est une seule chose. Et pour eux, les bonnes œuvres, elles ne font pas augmenter la foi, et les mauvaises œuvres et les péchés ne nuisent pas à la foi. La foi, c'est un bloc, elle ne bouge pas. Et la foi qu'un pervers a comme un fornicateur, je ne sais pas quoi, c'est l'équivalent de la foi des prophètes et des messagers, et de la foi des anges comme Jibril et la fille. Voilà, il y a du billah. Allah nous en préserve. C'est peut-être très égaré, que les éléments ont réfuté à leur époque. Et donc ces gens-là, la Mourjia, donc ils se sont informés à son époque, وَرَأَ أَنَّ لَهُمْ مُخَالَفَاتِ لِأُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ تَقْتَضِي إِخْرَاجَهُمْ عَنْ دَائِرَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ lorsqu'il a vu en eux des déviations, des contradictions vis-à-vis des fondements de l'Ahlus Sunnah Jama'a, donc on voit encore l'importance de connaître les fondements de l'Ahlus Sunnah Jama'a, qui avoir les fondements de la Sunna Jama'a, qui permettrait de les faire sortir du cercle de la Sunna wa Jama'a, ces contradictions-là qu'ils viennent de faire, même le tari' fil hukm alayhim, il ne s'est pas précipité pour les juger. Bal zahaba ila man lahu al-marji'iyya al-'ilmiyya fi 'asrihi min ahli al-'ilm wal-fatwa, mais il est retourné vers ceux qui sont une référence dans la science à son époque, parmi les gens de science et de fatwa. Al-lazina akhadhu al-'ilm 'an kibar as-sahaba, ceux qui ont pris la science des grands compagnons du prophète, c'est-à-dire vers un tabi'i. Wa huwa Abu Wa'il Shaqiq ibn Salama al-Asadi al-Kufi. Shaqiq ibn Salama al-Asadi Abu Wa'il al-Kufi. Al-Kufi, c'est la ville de Kufa en Irak. فأخبره زبيد بما حصل فأفتاه أبو وائل بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبو وائل il a rapporté textuellement la parole du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم ما يدل على بطلان تهمة المرجئة pour réfuter pour bien lui montrer que l'ambiguïté de المرجئة de la tête de المرجئة est bien fausse ou bien rejetable. وَالْحِرَافِهِمْ عَنْ أَهْلِ السُنَّةِ et de leur déviation et de leur égarement de أهل السنة حيث قال زبيد c'est ce qu'a dit زبيد لَمَّا ظَهَرَتْ الْمُرْجِئَ lorsque le murji'a est apparu, le fait est apparu أَتَيْتُ أَبَوَائِل je suis venu à Abu Wa'il فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ je lui ai rapporté ce qui s'est passé فَقَالْ حَجَّتَنِي عَبْدُ اللَّهِ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كباب المسلم فسوق وقتاله كفر et il a dit ma Abdullah m'a rapporté que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit d'insulter le musulman est une perversité et de le combattre est une mécréance, de le combattre est une mécréance. On voit bien ici kibab al-muslim c'est quoi? c'est une parole. Wa qitaluhu, c'est un acte de mort. Et ça nuit à la foi. Puisqu'il va dire que d'insulter, c'est une perversité. Et de le combattre, c'est de la mécréance. Donc le fait qu'on dit aux gens, il faut retourner au ulama, n'est-ce pas un suivi de ses prédécesseurs? N'est-ce pas que c'est comme ça qu'étaient les plus prédécesseurs? Qu'ils allaient demander à la main, et qu'on trouve en Europe, ils disent pourquoi ils demandent à la main, demandez à moi. Pourquoi vous me demandez, moi je vais vous le dire. Il y en a un, il m'a dit, il a dit voilà, c'est pour le mariage et tout, je vais te voir parce que j'ai demandé à Alain, il m'a dit voilà comment je dois faire. Non, moi je te dis. Allah al-Mustan, c'est dans l'âme mobile. Vous voyez, lorsqu'on apprend les fondements, dès que quelqu'un dira pas quelque chose qui n'est pas, il s'excuse, c'est bon. Il ne fait pas partout, il a un manquement au fondement de la sunna. C'est important de connaître les fondements de la sunna. Wallah, c'est important. Très très important. Fa anta hula hadoul al-Maghribi là, tout à fait les cassettes. Abu Abdillah al-Maghribi, Mohamed al-Maghribi, c'était un prêcheur qu'on avait dans la région parisienne, qui avait un peu des tendances un peu takfir, et qui avait aussi quelques problèmes. Et qui, cette personne-là, a fait des cassettes dans Sira Nabawiya, c'est les éditions Bukhari. Et ils ont un site, mais bon, il n'y a plus rien de nouveau, puisqu'il n'y avait que lui qui écrivait dedans. Et comment il s'appelle? Il avait ça, Sira Nabawiya, en français, et il avait Sharh Usul Salasa. Et certains salafis, en pensant qu'il est bien, ils les ont les cassettes. Et c'est pour ça qu'on met en garde pour cette personne-là. Mais là, il n'est plus là, je crois, les autorités l'ont pris, l'ont jeté, je ne sais pas où. Peut-être qu'il est retourné au Maroc, Allah Alam, on ne sait plus où est-ce qu'il est. L'essentiel dans tout ça, je voulais en venir, c'est que j'ai oublié. C'est pour ça que j'ai ramené son nom à lui. Ah voilà, c'est ça, Alhamdulillah. C'est que ces élèves-là, dans leur site, là, le Bukhari, je ne sais pas s'il y a encore, peut-être qu'ils se disent derrière l'internet, ils le verront, et bien ils ont mis tel Shir, un qui est à Paris, qui est soi-disant qui a étudié à Riyad il y a longtemps, tel Shir, donne cours dans telle mosquée de Paris tous les samedis entre Zohar et l'Asr, et c'est vers lui que tous les frères d'Europe devraient retourner pour leurs questions, parce que lui il connaît mieux ce qui se passe en Europe, je ne sais pas quoi. Voilà comment pourquoi, parce que c'est très dangereux d'appliquer pas les relèves, parce que les gens ils en ont marre là, ils disent ah oui, ils font presque les relèves parce qu'ils mettent en garde contre nous, hein. Bah oui, parce que le fait que personne soit en relation avec les relèves, et bien ceux qui sont là, ils sont tranquilles, ils peuvent faire leur prêche comme ils veulent. Ça, c'est vous, vous n'êtes pas capable de pouvoir leur répondre, ni réfuter leur parole. Mais vous ne pouvez le faire qu'en contactant les ulama. En rapportant ce qu'ils se disent, ce qu'ils se font, les ulama vous diront la voix d'Allah dessus. Et étant donné qu'ils ne veulent pas ça, ils essaient de vous éloigner des ulama. Wal'iyadu billah. Fa'anta, iza qaranta bayna hali ha'ula مع أهل العلم والفتوى في عصره. Donc si toi, si jamais tu viens comparer entre l'état de ceux-là avec les gens de science et de fatwa à leur époque, وبين حال كثير من الطالبين في توبته في عصر هذا وجدت الفرق الشاسع بينهما. Et tu regardes aussi l'état de ceux qui se sont repentis aujourd'hui, mais qu'ils ne savent plus où se mettre, ils ne savent plus se retrouver, ils ne savent plus se retrouver, et qu'ils sont un peu perdus à notre époque. Tu trouveras une différence, une très très grande différence entre les deux. Une très très grande différence entre les deux. Et vous les voyez. Il a fait tomber la salafia, et tu dis, il a encore des choubois, c'est tout. Mais si tu as fait, elle ne dit pas, je dois appeler les mains. Ou alors, il faut que je trouve quelqu'un qui se parle bien l'arabe, mais quelqu'un de sûr, pas quelqu'un qui raconte n'importe quoi, hein, pour, parce que connaître l'arabe, c'est une chose, mais être bien dans sa tête, c'en est une autre. D'accord? Pas mélanger. Parce qu'il y en a qui disent, moi si je savais l'arabe, on va c'est bon. Non, que tu veux que l'arabe, c'est vrai, c'est une porte, tu peux aller lire directement les livres, tu n'as pas besoin de traduction, donc c'est meilleur, mais l'arabe avec ça, ça ne te suffit pas. Je ne crois pas que tu vas faire l'arabe mieux qu'Abu Jahl, ni mieux qu'Abu Lahab. Hein? Ça ne t'a pas guidé. Des Libanais, il y en a combien qui parlent couramment l'arabe, des chrétiens, il y en a et combien qui sont dans des sectes, mais ils y arrivent, mais tu te demandes, leur arabe n'a pas. Et tu vois des gens des fois qui ne comprennent rien en arabe, mais qui se rattachent à la sunna, ils veulent rien entendre. Ils ne veulent pas entendre autre chose. Mais de là, ceci n'est pas pour diviser la langue arabe, il faut apprendre la langue arabe. Et on pousse les gens. Et c'est mieux bien qu'il n'y ait même pas beaucoup de choses qui se traduisent en étranger. Comme ça, ça pousse les gens à apprendre l'arabe. Il y a tellement de petites choses. Ça les attire. Ils veulent aller plus loin, apprendre l'arabe. Voilà. C'est mieux comme ça. C'est mieux de faire goûter un peu, de faire goûter un peu aux frères, hein, des petites choses en français, de les faire goûter, et comme ça ils veulent plus. Comme ça leur donne plus envie. Et c'est aussi comme les Anglais. Tout est traduit en anglais. Les Anglais ne parlent pas l'arabe. Vous allez en Angleterre, les Français, allez les voir. On y va, on n'est pas capable de parler avec eux. Pas capable de parler avec eux. S'il y en a parmi eux qui connaît l'anglais, ça va. Bon, les Anglais en général, ils ne parlent pas le français. Mais l'arabe, c'est même pas la peine. Tout est traduit. Lorsque les chers viennent, le chéri il parle 10 minutes, eux, ils parlent 20 minutes. Ils font le chat, on dit le chat. 20 minutes. C'est super dur à plusieurs façons. Vous avez déjà dû voir comment ça se passe. Pour ceux qui sont déjà partis dans des colonnes en Angleterre, tout est en anglais. Tout. Les livres, les cassettes. Non, il faut arrêter un peu. C'est bien beau de vouloir faire comprendre aux gens les choses, mais il y a une limite. Il ne faut pas que ce soit sur le dos de la langue arabe. La langue arabe n'est pas seulement la langue des Arabes, c'est la langue de tout musulman. De même qu'il est un devoir d'apprendre sa religion. Et la réalité de la religion, tu ne pourras la comprendre qu'avec la langue arabe, donc c'est obligatoire pour toi d'apprendre la langue arabe, comme le dit Charles Samitémir, Rahimahullah. Il faut apprendre la langue arabe. Il faut apprendre au minimum ce qui rendra ta langue claire. Quand tu parles l'arabe, tu ne la caches pas. Que ta langue soit droite lorsque tu parles l'arabe. Un minimum d'arabe est demandé. Un minimum de connaissances d'arabe. Beaucoup d'imams ils ont la main et tu parles Charles Al-Bani. Le plus grand mouhadis de ce siècle, c'est un Albanais. Hein? Il est de chez Vedat. Voilà, c'est un Albanais. Hein? Ben voilà, c'est un Albanais qui est né en Albanie, mais sa famille est immigrée en Syrie, alors qu'il avait 9 ans. Et alhamdulillah, Allah fataha alayhi. Allah lui a ouvert les portes. Allah, c'est un homme qui a donné de son temps. Il a donné sa vie pour la sunna du prophète. Voilà ce qu'Allah lui a donné. Voilà ce qu'Allah lui a donné, pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie pour la sunna du prophète. Allez, lui, quand il a étudié la sunna, ce n'était pas dans une école. Ou alors peut-être qu'on dirait qu'il cherche un diplôme, comme certains le font. Comme il dit, il y en a qui pensent qu'avoir le doctorat, ça lui permet de rendre visite et visite ce qu'il veut. Le doctorat, ça ne permet pas ça. C'est seulement un diplôme, c'est tout, ça s'arrête là. Mais d'abord, les plus grands élèves, c'est ceux qui ne l'ont pas. Charles Benbaz, il n'a pas de doctorat. Charles Benassani, il n'a pas de doctorat. Charles Albani, il n'a pas de doctorat. Il y a des gens qui ne savent pas d'en parler parce qu'il n'y avait pas de. Et c'est même Ibn Rahimin, rahimahullah, le grand shir, le grand faqih, Ibn Rahimin, rahimahullah, il dit dans une cassette, en parlant de elle, il dit ce qui est décevant à notre époque, c'est que maintenant les gens s'en tiennent au diplôme. De sorte que si Cheikh Islam Taymiyyah, rahimahullah, venait aujourd'hui, on l'accepterait même pas, pour qu'il fasse professeur parce qu'il n'a pas de diplôme. Vous imaginez le degré? Pourquoi vous la travaillez cher pour que vous n'aimez pas les écoles? Et contre là, vous l'aidez, sans vous, il était contre les diplômes. Et là, il se moquait d'eux. Fadilatat docteur. Le grand docteur. Voilà, c'est quoi? Et les gens sont attirés par ces titres-là. Non, Cheikh Al-Bani, comme il a dit Cheikh Rabia, Rahimahullah, Rahimahullah, Cheikh Al-Bani, Rahimahullah, Cheikh Al-Bani, Rahimahullah, Cheikh Rabia, il dit, sur Cheikh Al-Bani, Rahimahullah, Allah lui a ouvert les portes de la grande bibliothèque nationale. Al-Maktaba al-Zahiriya, là où il y avait un trésor de manuscrits dans la sunna que tu ne trouves pas autre part. Et il a retroussé ses manches pour étudier ces manuscrits, et il les a étudiés d'une étude que des complexes entiers ne pourraient pas le faire. Al-Mustanibah. Des décennies entières, plus de 50 ans, et lui la fondant de façon jusqu'à l'Isha. En train de pourquoi pour sortir la sunna aux gens. Allah a donné le nez. Plus de 10 000 manuscrits. Il les a étudiés manuscrit. À 3 reprises. Allah lui a donné cette facilité-là. Alors dans la vie, on a tiré pour aller là, pour faire ça, et ainsi de suite. Mais lui, alors qu'il n'y a rien. Dans la dunya, il n'y a rien à la fin. Il n'y a pas de diplôme à la fin. C'est personnel. Personnel, mais regardez les fruits. Regardez les fruits. Quand Allah veut élever quelqu'un. Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut élever quelqu'un. Alors que lui il était blanc, yeux bleus, c'est un Européen, un Albanais. Et il parlait aussi l'Albanais. Hein? Il y a combien de cassettes? comme tu as en Albanie de Charles Albani, 29 cassettes que le frère a, où Charles Albani parle avec des Albanais en Albanie. Il n'a pas oublié sa langue natale. L'imam al-Bukhari, c'est l'Uzbek, d'Uzbékistan. Bukhara, c'est une ville qui est en Uzbékistan, en Asie centrale. Et combien ne sont pas d'origine arabe? C'est pour vous dire quoi? Salman al-Farisi, le persan, Bilal, n'est pas? Al-Habashi, il est d'Abyssinie, d'Éthiopie. Les musulmans se doivent d'apprendre la langue arabe. Déjà, premièrement, vous avez la langue arabe, vous n'avez pas de problème pour parler de l'ulama. C'est dur de voir des frères quand tu es à Mecca ou tu es à Medina, le Haïm il est juste à côté, le frère il est comme ça dans le Haïm. Il est comme ça, il cherche quelqu'un pour lui poser des questions. Voilà. Il est même, alors que c'est pas mieux que tu vas dire, tu m'auras le chien, tu le prends à côté, c'est toi-même qui t'explique et qui lui parle et tout, tu lui poses tes choses. Voilà, c'est là devant lui, mais t'es bloqué. T'es bloqué. Tu ne peux même pas lui parler. Charles Ben, quand il a vu des frères de France qui parlaient français, alors qu'ils sont d'origine arabe, faisait des doigts. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. C'est quoi? C'est des arabes qui ne savaient pas parler l'arabe. Arabe, ils parlent pas l'arabe. C'est devenu des étrangers à la langue arabe. Très très grave. Il faut apprendre la langue arabe. Il faut l'apprendre. C'est la langue du Coran. C'est la langue des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut l'apprendre. Tout musulman aime la langue arabe. C'est pour ça qu'on ne comprend pas quand, c'est pas tous, mais quand certaines minorités dans les pays musulmans qui sont d'origine musulmane eux aussi se mettent à combattre la langue arabe quand que le chef d'État ou le gouvernement veut mettre une loi pour l'arabisation. Mais que eux appliquent le français, c'est pas un problème. Comme on voit des fois en Kabylie ou je ne sais pas où. Non à l'arabisation, c'est quoi, c'est manière. Alors qu'ils sont musulmans, mais pour le français, il n'y a pas de problème. Et ils ne comprennent pas que c'est les coufards qui leur font leur amènent des idées comme ça, leur font croire qu'il y aura une indépendance. Si les coufards ils veulent parler d'indépendance, ils ont qu'à la donner à ceux qui la demandent chez eux. Les Français qui la donnent à la Corse, ils la donnent aux Bretons, ils la donnent aux Basques, hein, ça sera plus simple. Et que les Anglais la donnent à l'Irlande du Nord, et ainsi de suite. Puisque vous savez donner des conseils aux autres, allez, appliquez vous-même ces choses-là. Et les musulmans ne réfléchissent même pas à ça. Tiens, c'est pas parce que t'es kabyle que tu dois pas prendre la langue arabe. Parce que t'es musulman. Tu es fier de ta religion. Ça a été, il n'y a pas de ce genre de choses, de division comme ça, là, que certains essaient de faire. Ou alors chez nous au Maroc, avec les berbères, mais qui, ça n'a pas marché de la même manière que dans notre pays, mais qu'il y en a, ils essayent un peu d'allumer un peu entre vous êtes berbères, vous êtes arabes, et ainsi de suite, soit de l'origine c'est ça. Faut arrêter un peu. C'est l'islam qui l'emporte. Et la langue arabe, c'est la langue du Coran. La langue du Coran. Puisque maintenant tu te retrouves dans certaines régions dans nos pays, quand tu vas demander un verre d'eau dans un café, hein, si tu demandes en arabe, il ne te répond pas. Et si tu lui demandes en berbère, là il te le donne. Ou vice versa. Ou voilà, il se force à te parler en berbère, mais toi tu ne comprends pas, ben, il s'en fiche. Alors qu'il peut te parler en arabe. C'est quoi ces manières? Faut arrêter de ces genres de choses-là. Faut arrêter ces choses. Et puis de l'autre côté, tu en as qui traitent les autres. Pourquoi vous les traitez? Même si vous êtes. Et alors, ce n'est pas des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas ton frère en islam. Et il n'y a pas des super bons musulmans chez eux. Faut arrêter un peu ces genres de choses-là. Ça, ce sont des bêtises. Et nous, des fois, sans réflexion, on tombe dans ce genre de pièces. Faut s'arrêter pas avec ce genre de choses. فَأُولَٰئِكَ حَرَسُوا عَلَىٰ هَذَا الضَّابِ. Ces gens d'avant, américains prédécesseurs, hein, ils ont appliqué ce point essentiel, qui est le retour au grand savant. وَلَنْ يُسَارِعُوا فِي الْحُكْمِ على من ظهر منه الانحراف من بني عصرهم حتى عرضوا ذلك على أهل العلم والفتوى من أهل السنة والجماعة. ils ne se sont pas empressés à juger que chez qui est apparue la déviation parmi les gens de leur époque avant de l'avoir montré ses déviations et ses égarements aux savants, aux gens de science et de fatwa parmi les gens de la Sunna wal Jama'a. Ça aussi, c'est une leçon pour nous. Parfois, chez nous, c'est nous qui jugeons. On n'appelle pas. Même si tu as vu, mais appelle. Laisse le alim lui le faire. Laisse le passer à alim le faire. Tu vois, ta parole, elle est pas plus en considération. C'est pas un alim. Pourquoi lui, il est comme ça? Moi, c'est un tel qui l'a dit. Il n'a pas fait un alim. Et les gens se font la tête, ils se disputent et tout pour des choses comme ça. Non, ça se fait. Lorsque c'est le alim qui a parlé, d'accord. Mais pas lorsque c'est un tel qui a parlé. Que sa parole n'est pas à prendre en considération. Que sa parole n'est pas un alim. Ça, il faut le savoir, ça. Même si après l'alim, il dit ce que lui avait dit auparavant. Et lui, il était en droit de le dire, pas lui. Pas lui. Il n'était pas en droit de le dire, même s'il avait dit, même si à la fin on remarque qu'il avait raison. Pas sans certains points. Alors, t'as vu, il avait raison. Hein. Non, ça c'est faux. Même s'il avait raison, il n'avait pas à le faire. Même s'il avait raison, il n'avait pas à le faire. Il n'avait pas à le faire. Il laisse ça au ulama. Comme ça, vous avez vu comment le ulama il dit Qala, Sulan. Allez, j'avais une sorte des noms d'un coup de. C'est qui celui-là? Ouais, c'est un petit jeune qui est dans telle rue. Jamais vous verrez ce genre de choses. Parce qu'on le sait que leur parole n'est pas prise en considération. La parole des ulama. Ça aussi, c'est des choses qu'on déploie dans le manhaj. On pense que ça n'est pas fait la fière, et c'est nous qui sommes fautifs. Ce n'est pas la règle qui est fautive, comme on l'a dit tout à l'heure. La règle en elle-même, le fondement lui-même, c'est pas lui qui est à remettre en cause. C'est nous qui sommes à remettre, qui sommes en cause. Vous comprenez ça? نعم فلما سمعوا الفتوى ادينا qu'ils ont entendu la fatwa la réponse عضوا عليها بالنواجذ ils l'ont mordu à pleine dent cette fois ils l'ont pris et ils l'ont bien mordu ça veut dire personne ne peut l'enlever واعتزلوا اولئك المنحرفين المخالفين اهل الجماعة et ils se sont éloignés et se sont séparés de ces gens qui ont dévié, qui est en contradiction avec Ahl Sunnah wa Jama'a. Mais aujourd'hui, ça c'est pour ceux d'avant, comment ils disaient. Wa amma al-yawm, mais aujourd'hui, faqalla an tajida man yahris ala hadha ad-dhabt. Très peu tu les vois ceux qui appliquent cette règle. De retourner aux grands savants. Bal tajidu man la yubali bi kalam ahli al-'ilm wa fatwa. C'est le tahzir min ahli l'ahwa wa l'bida'. Tu en trouves qui se fichent, qui négligent, qui ne reconnaissent même pas les paroles des gens de la science, de la fatwa, lorsqu'ils mettent en garde contre les gens de la passion et de l'innovation. Fayuharibuna fatwa ahli l'ilm. Ils se mettent à combattre les fatwa, les réponses. Les fatwa, les fatwa. Des gens de la science, et ils les altèrent. N'as-al Allah as-salam al-afiyah, qu'Allah nous en protège. Puis le shir, il a fait sa conclusion, al-khatima, de son livre. On se contentera de ces quelques paroles. Alhamdulillah, on a pu terminer ces quelques conseils. J'ai essayé de traduire comme j'ai pu pour vous faire part du contenu de ce bel ouvrage où il y a des grands conseils, surtout pour nous, pour qu'on puisse. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم